It's just another bomb track. Comme ça, pour l'instant, je drop le bon impact. J'arrive, je frappe. Sauf que c'est pas de l'arnaque, c'est juste du vrai en français. On va repartir, non, ici y'a pas de délire. C'est pas une schizophrénie, y'a rien qui m'enfreine. Non, j'ai pas fini. Paraît qu'il fallait que j'arrête sur 4 tables. Pour l'instant, je le mets dans vos dubs. C'est pas grave, je prends la relève. Dernière fois de plus se lève. Check ça, on va sortir toute notre salive. La marchandise, je t'alive. Peu importe jusque t'es dans le Québec. Check mon intellect. T'es bien mieux de respect. Qu'est-ce que je fais ici dans ma sec? Là, j'écrase les wacks comme des insectes. C'est y'a pas de crime. Avec Damien, rien qui rime pas. Check ça, j'suis un ninja. Toujours invisible, toujours invincible. J'atteins toujours la cible. Une fois de plus, y'a deux balles, j'te crime. Et yo, même si c'est pas un SM, ouais, j'm'essaye. Le beat est chaud comme les cernes sous mes aisselles. Et ouais, sur un beat oriental, si le pop, j'suis sous mon hip-hop, j'enverrai chier l'Orient sale. Ça vient de l'Amérique, ouais. Si j'rappe, c'est que mon âme est riche. Et puis, que ma voix grise sur le micro, man, j't'accro toujours là, et ouais. J'reste constant, toujours content. Underground ID, this original fucking frog. Aïe, on infecte le beat comme le calcaire. Même si mon père me dit pas le faire. Quand je check ça, mes gosses des haltères. On soulève la foule comme des haltères. Ici, j'aime pas l'hiver, mais ça dérange pas. J'vais vivre mon calvaire, j'vais m'y faire. Oh, j't'endormirai pas comme un somnifère. Mais j'vais rouler le beat comme une momie fière. Qu'est-ce que j'fais avec mes homies frères? On monte le beat plus haut qu'une montgolfière. Check ça, on va redescendre ensuite. Tellement qu'on est down, on sort de l'underground. Check le sound, ici t'es cas au troisième round. J'en ai rien à foutre, yo. Moi, pourvu que j'casse la croûte. Je vais me remplir de putain de beat, puis de quoi que je vais pouvoir le dire. Jamais je vais pouvoir prédire ce qu'il va dire après, parce que c'est du freestyle, le gros. Puis check ça, je vais te le refaire. Je reste le maître de la cérémonie. Yeah. J'aime toutes mes amis, comme dans un party, je charme mes homies. Près de moi, je te fous les mois. Et ouais, je garde l'espoir de changer le cours de l'histoire. Dans mon univers vert en noir, et ouais. C'est comme ça, écoute-moi, la pas sur le show, eh ouais, ça reste chaud, c'est ça, eh ouais, faut que je prenne mon air comme un backfire. On reste piquant notre voix comme des barbed wire. On part de l'Electric Avenue, puis on rock higher. Yes. J'suis là depuis le temps que j'suis down avec le Moz Lion. Check ça, comme le Mont Zion. Faut toujours rester plus haut, il faut que j'aille la paix entre moi-même. Check ça, faut que je le fasse à chaque semaine. J'me démène pour que ça aille plus loin. J'sors mes mitaines l'hiver parce qu'il fait trop frais à ma graine. Ouais, mais j'la pointe pas comme Justin Timberlake. J'bite pas, c'est la Jackson. Sur un beat de Timberland, non, c'est Damien. Et ouais, je débarque avec vitesse. On direct dans mon ventre, j'ai un putain de moteur V-Tech. Et ouais, pas besoin de crier détresse. Et ouais, c'est ça, je te démontre mes anomalies. Sur le micro, man, comme un croco, je bite fort. Et ouais, c'est ça, ici je te mords. Quand je suis mort, man, n'aime pas ma mine. Je m'écris que je prends un crayon. Pour l'instant, j'illumine. Je te nesti de rayon chaque jour. On essaye de faire notre chemin, oui, nous le frayons. On essaye de le paver. Oui, nous essayons, excusez. Toujours en train de rapper, décaper. Parce qu'il y a trop d'MC vernis pour l'instant. Je te bute à coups de pelle comme Bernie. J'ai une hernie discale pour l'instant. Je vais avoir besoin d'une petite opération avec un médecin. What's up? Bon.